بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue dans cette troisième partie de l'explication de Sourate Az-Zumar, le tafsir de Sourate Az-Zumar, et comme on a dit, on se réfère au tafsir du Cheikh Abdurrahman As-Sa'di Rahimahullah. Donc on est arrivé au verset numéro 10. Donc أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Naam, donc on va essayer d'expliquer inshallah, de lire l'explication de ces verset aujourd'hui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 10, il dit ce qui signifie: dis, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur, ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense, la terre d'Allah est vaste, et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Donc, le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, hafizahullah wa rahimahullah, il dit à ce sujet: Ey, qul munadiyan li ashraf al-khalq wa hum al-mu'minun, amiran lahum bi afdal al-awamir wa hiya at-taqwa, dhakiran lahum sabab al-mujib lit-taqwa wa huwa rububiyyatullah lahum وإنعامه عليهم المقتضي ذلك منهم أن يتقوه ومن ذلك ما من الله عليهم به من الإيمان فإنه موجب للتقوى كما تقول أيها الكريم تصدق أيها الشجاع قاتل. Donc le Cheikh explique, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus noble des créatures, Hein? Il l'appelle et lui demande de s'adresser aux plus nobles des créatures qui sont les croyants. Et il leur ordonne le meilleur de tous les ordres. Et c'est d'avoir at-taqwa. Et at-taqwa, c'est bien entendu de faire ce que Allah nous ordonne et de nous écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit pour se protéger de son châtiment. Hein, pour se protéger de son châtiment. Et ça, c'est le meilleur de tous les ordres que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner. Et il nous explique donc il nous explique quelles sont les choses qui nous incitent et nous amènent à obtenir cet aspect ou cet élément de la religion qui est at-taqwa. Et c'est en ayant en se rappelant ou en ayant conscience du fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est notre Rabb et c'est lui qui nous donne tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a et qui nous aide à nous développer et qui nous donne de ses grâces et donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme grâce et tout ce qu'il nous fait comme preuve comme tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il nous fait comme bien, c'est des choses qui impliquent de notre part qu'on ait de la piété et qu'on ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on fasse ce qu'il nous ordonne et qu'on s'écarte de ce qu'il nous interdit. Et parmi cela, il y a les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, comme la foi. La foi, c'est une des plus grandes grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et qui nous oblige d'être pieux et d'avoir at-taqwa, d'avoir de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la piété. Et donc, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait dans ce verset, « Ô toi le généreux, donne en sadaqa, c'est-à-dire donne en aumône et en charité. Et ô toi le courageux, combat. Hein? » Donc c'est comme si il s'adresse à nous par des caractéristiques qu'on possède pour nous encourager à être encore plus, faire encore plus preuve de ces caractéristiques-là et de ces piétés-là, de cette piété-là. Comme il dit, ô vous qui avez cru, ayez de la crainte d'Allah. Hein? Et ensuite dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا, ceux qui font le bien ou ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا, donc le shaykh il dit ذَلِكَ لَهُمُ الثَّوَابُ وَذَكَرَ لَهُمُ الثَّوَابَ الْمُنْشِطِ فِي الدُّنْيَا فَقَال لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا بعبادة ربهم لهم حسنة ورزق واسع ونفس مطمئنة وقلب منشرح, كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous mentionne la récompense qui va nous encourager à faire plus d'efforts dans la dunya pour obtenir justement cette piété. Et par exemple, il dit, ceux qui ont fait le bien dans cette vie d'ici-bas, en adorant leur Seigneur, ils auront al-hasana, ils auront une bonne récompense, c'est-à-dire une subsistance vaste, une âme qui est en paix et un cœur qui est ouvert. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh al-Masin, il dit la même chose que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui fait, qui agit bien et qui fait des bonnes œuvres, que ce soit un homme ou une femme, et alors qu'il est croyant, nous allons lui faire vivre une vie bonne. Nous allons lui donner une vie bonne. Et na'am. Wa ardullahi wa si'ah. Iza. إذ ممتنع من عباده أو إذا ممتنع من عبادته في أرض فهاجروا إلى غيرها تعبدون فيها ربكم وتتمكنون من إقامة دينكم. Donc, وأرض الله واسعة. الله سبحانه وتعالى dit la terre d'Allah est vaste. Et le cheikh explique, il dit que ça veut dire que si vous êtes interdit d'adorer votre Seigneur dans un endroit sur terre, alors faites la hijra vers une autre, vers un autre endroit de la terre où vous allez être capable d'établir votre religion. Où vous allez être capable d'établir votre religion. Et comme on s'est mentionné justement dans le tafsir Ibn Kathir, Mujahid, il dit justement à ce sujet-là, wa ardullahi wasi'a, qala Mujahid, fahajiru fiha wa jahidu wa atazilu al-awthan. Il dit, Mujahid, à propos de cette partie-là, que la terre d'Allah est vaste, c'est-à-dire faites la hijra sur celle-ci, c'est-à-dire quittez cet endroit-là où on vous empêche d'adorer Allah et allez dans le pays ou la terre où vous pouvez adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute liberté et luttez en celle-ci, hein, et écartez-vous des idoles. Écartez-vous des idoles. Et ensuite, le cheikh il explique la suite du verset. Il dit « وَلَمَّا قَالَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ كَانَ لِبَعْدِ النُّفُوسِ مجال في هذا الموضع وهو كان لبعض النفوس مجال في هذا الموضع وهو أن النص عام وأنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنة ومن فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها ويمتهن لا يحصل له ذلك دفع هذا الظن بقوله وأرض الله واسعة وهنا بشارة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك تشير إليه هذه الآية وترمي إليه من قريب وهو أنه تعالى أخبر أن أرضه واسعة فمهما منعتم من عبادته في موضع فهاجروا إلى غيرها وهذا عام في كل زمان ومكان فلا بد أن يكون لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضع يتمكن من إقامة دينه فيه. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour ceux qui font le bien dans cette vie d'ici-bas, ils auront une bonne récompense, il dit ici que il y a pour certaines âmes ici de l'espace, hein, et de la facilité dans ce lieu-là pour eux, pour être capables d'établir l'adoration. Donc ici, le texte, le cheikh dit que c'est un texte qui est général pour dire que toute personne qui a fait du bien, eh bien, il aura du bien dans cette dunya. Alors, que dire de celui qui a cru dans une terre où il est opprimé et oppressé et où il est rabaissé et humilié? Qu'est-ce qui lui arrive, hein? Qu'est-ce qu'il a de cette bonne récompense? Allah subhanahu wa ta'ala a repoussé cette pensée-là par sa parole suivante, lorsqu'il dit dans le même verset, il dit « Et la terre d'Allah, elle est vaste. » Et ça, c'est une belle annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné textuellement dans un hadith, lorsqu'il a dit qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera sur la vérité, victorieux. Et ceux qui s'opposent à ce groupe ou qui l'abandonnent ne pourront leur faire aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, alors qu'ils seront toujours ainsi. Et ce verset donc nous indique directement la signification de ce hadith-là, et il nous ramène très près de la signification de ce hadith-là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que sa terre elle est vaste. Hein? Donc peu importe si on vous a interdit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala quelque part sur la terre, eh bien vous quittez cet endroit-là vers un autre endroit où vous pouvez adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit que ça c'est général et c'est pour tous les lieux sans exception et pour toutes les époques sans exception. Et donc il est c'est obligatoire qu'il y aura pour chaque personne qui fait la hijra et qui est un muhajir, qui quitte les pays des pays de Kufr où il ne peut pas appliquer sa religion et qui s'en va vers les musulmans et qui se réfugie chez les musulmans, c'est certain que il va trouver un endroit où il sera capable d'établir dans celui-là sa religion en paix. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui a rapport avec la hijra ici. Et donc, en même temps aussi, ça répond à ceux qui parfois mentionnent le verset qui disent, par exemple, la terre d'Allah est vaste et qu'ils l'utilisent pour justifier le fait d'aller vivre chez les kuffars, par exemple, quitter les pays musulmans pour aller vivre dans les pays des kuffars. Et ça, bien entendu, c'est le contraire de la signification du verset. C'est le contraire de la signification du verset, puisque le verset, quand Allah dit que la terre d'Allah est vaste, eh bien, c'est pour nous inciter à quitter les pays de Kufr pour aller dans les pays musulmans, et non pas le contraire. Le cheikh, il explique ensuite la suite du verset, il dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » c'est-à-dire que les endurants, les gens qui sont patients, ils auront leur pleine récompense sans compter, sans calculer. Donc, le cheikh explique, il dit « وَهَذَا عَامٌ فِي جَمِيعِ أَنْوَعِ الصَّبْرِ » Il dit que ça, c'est général dans toutes les différentes catégories de patience et d'endurance. الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. Donc le fait d'être endurant par rapport aux choses que Allah a prédestinées qui sont douloureuses, les choses qu'il a prédestinées dans la vie qui sont douloureuses, comme les maladies, la mort, les accidents, les désastres naturels qui se produisent, les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées, comme les tremblements de terre, les ouragans, les déluges, toutes ces autres choses que Allah a prédestinées. Toutes ces choses-là, le fait d'être endurant face à ces choses-là et d'être patient, eh bien, ça rentre dans la récompense, si on est patient dans ce genre de choses. As-sabru an ma'asihi fala yartakibuha. Ça, c'est un autre degré de la patience aussi. C'est le fait d'être endurant dans le fait de délaisser et de s'abstenir des désobéissances. Donc, plus que tu fais preuve d'endurance et de force et de patience dans le fait de t'écarter de ce qui est interdit et tu te retiens de ne pas faire ce qui est haram et de désobéir à Allah, ça aussi, ça rentre dans la récompense. Et aussi, le cheikh dit « وَالصَّبْرُ عَلَى طَاعَتِهِ حَتَّى يُؤَدِّيهَا » C'est-à-dire le fait de faire preuve d'endurance dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu accomplisses ce que Allah t'a ordonné de faire. Donc ça aussi, c'est une autre sorte de patience qui rentre dans cette catégorie-là. Et ça, c'est les différents degrés d'endurance. Et le cheikh dit « فَوَعَدَ اللَّهُ الصَّابِرِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » أي بغير حد ولا عد ولا مقدار وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله وأنه معين على كل الأمور. Donc, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux patients et aux endurants qu'ils auront leur récompense complète et leur récompense pleine sans calculer, sans compter, sans limite, sans qu'il y ait une mesure spécifique pour cette récompense-là. Et ça, c'est uniquement à cause du mérite et de l'excellence de la patience et du niveau ou de la place qu'elle occupe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette adoration-là. Parce que la patience et l'endurance, c'est une adoration. Et donc, c'est le cheikh il dit وَأَنَّهُ مُعِنٌ عَلَى كُلِّ الْأُمُورِ. Donc la patience, c'est quelque chose qui rentre dans toutes les formes d'adoration et qui t'aide à rester ferme dans toutes les formes d'adoration. Également dans le tafsir de Ibn Kathir, à ce sujet-là, on retrouve certaines paroles des mufassirin et des salaf, comme par exemple la parole de l'imam al-Awza'i. Il dit لَيْسَ يُوزَنُ لَهُمْ وَلَا يُكَالُ لَهُمْ وَإِنَّمَا يغفر لهم غرفا. C'est-à-dire que l'imam al-Awza'i, il dit, on ne va pas leur calculer une mesure spécifique ou les peser, hein, ou peser leurs œuvres dans, par rapport à la patience. On ne va pas la peser, on ne va pas la mesurer. On va uniquement leur donner par poignée, hein, par pelletée, pour dire par, il y en a par grande quantité, sans calculer, comme lorsqu'on calcule des choses, par exemple, des éléments, on les calcule, on le met sur une balance pour savoir la mesure, où on le pèse, ou bien on le mesure d'une autre façon, sauf que pour la patience, ce ne sera pas comme ça. On ne va pas calculer de cette manière-là. Et le cheikh, il mentionne aussi la parole de l'imam As-Suddi, يعني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني في الجنة. Donc il dit dans le paradis, on va leur donner leur récompense sans calculer. Donc ça c'est d'autres explications qui sont mentionnées dans ce tafsir-là. Ensuite, le cheikh il mentionne les versets de 11 à 16. Les versets de 11 à 16 dans Surat Az-Zumar, et il dit, il explique la suite. Donc il lit, on va lire leur signification au fur et à mesure. Donc le verset 11, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ. C'est-à-dire que le cheikh dit: قُلْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لِلنَّاسِ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ فِي قَوْلِهِ في أول السورة فاعبد الله مخلصا له الدين. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit: dis ô toi le messager aux hommes, j'ai été ordonné, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, hein, en adorant Allah exclusivement avec ikhlas, avec pureté dans mon adoration, que j'adore que lui. Wa umirtu li an akuna awwal al muslimin li anni da'i al hadi lil khalq ila rabbihim fiqtadi anni awwal man itumira bima amiru bihi wa awwal man aslama wa hadha al amr la budda min iqa'ihi min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa mimman za'ama andahu من أتباعه فلا بد من الإسلام في الأعمال الظاهرة والإخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة. Donc le cheikh il explique que, et il dit, et la suite du verset, et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans, d'être parmi les premiers à me soumettre, d'être le premier à me soumettre. Et le cheikh il explique à ce sujet-là, et il dit, parce que la personne qui appelle les gens et qui guide les gens ou qui guide la création, les créatures à Allah, qui les invite à obéir à Allah et à se soumettre à Allah, cela implique de leur part qu'ils soient les premiers à mettre en application ce qu'ils ordonnent aux autres, et qu'ils soient le premier de ceux qui se soumettent à Allah. Et ça c'est une chose qui est nécessaire et c'est une chose qui c'est une chose qui se produit normalement pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est toujours lui le premier à appeler les gens au bien et à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est quelque chose qui est nécessaire également à toute personne qui prétend être parmi les gens qui le suivent. Donc il faut absolument être dans la soumission et dans l'islam, dans les actes apparents, et il faut également absolument avoir la sincérité et la pureté pour Allah seul dans nos actions, dans nos intentions, et les actions apparentes et les actions cachées. Donc il faut que tout ça soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le verset 13: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Donc, le Cheikh explique, il dit « Fi ma amarani bihi min al-ikhlas wa l'islam. Inni akhafu in asaytu rabbi fi ma amarani bihi min al-ikhlas wa l'islam azab yawmin azim yukhladu fihi man ashrak ou yakhladu fihi man ashrak wa yu'aqabu fihi man asa. » Donc, c'est-à-dire que ça signifie, dis au Mohammed, dis aux gens, ô toi le messager, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, dans ce qu'il m'a ordonné d'établir, comme l'ikhlas, le fait d'adorer Allah dans la pureté et de n'adorer que lui, et dans l'islam, dans le fait de me soumettre à lui et de n'adorer que lui, le châtiment d'un jour, le châtiment d'un grand jour ou d'un jour terrible. Et dans ce jour-là, toute personne qui a commis le shirk va demeurer éternellement dans le châtiment, et toute personne qui a désobéi à Allah sera punie. Et le verset 14 et 15, قل الله أعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني. On voit que tout ce qui a été dit, par exemple dans le premier verset, فعبد الله مخلصا له الدين, le premier verset dans la sourate, il revient tout le temps, ça revient tout le temps, l'ordre de purifier l'adoration uniquement pour Allah. Donc قل الله أعبد مخلصا له ديني كما قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Donc le cheikh il explique, il dit c'est Allah que j'adore en purifiant ma religion et en la rendant exclusivement pour lui, en rendant mon adoration exclusivement pour lui. Alors adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala ici il défie les mouchriquins et il les menace de ce châtiment là comme l'imam Ibn Kathir il dit ici dans l'explication du verset, fa'abudu ma shi'tum min duni, donc adorez en dehors de lui ce que vous voulez. Il dit wa hadha aydan tahdidun وتبر منهم هذا تهديد. Donc c'est une menace qu'il dit, adorez donc ce que vous voulez en dehors de lui, puisque vous savez que c'est lui le créateur et le maître de toutes choses, alors adorez tout ce que vous voulez en dehors de lui parmi les fausses divinités et parmi les créatures, et cela ne vous sert à rien, et en plus vous allez être châtié et être éternellement dans l'enfer à cause de ça. Donc c'est pour dire, utilisez votre raison et écartez-vous de ce genre de choses. Comme il dit dans Surat Al-Kafiroun, dit, ô vous les mécréants, ô vous les Kafiroun, je n'adore pas ce que vous adorez. Et je, voilà, antum abiduna ma'abud. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. Et vous n'adorez, et je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. À vous votre religion et à moi la mienne. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit au Mohammed, aux gens, ô vous les mécréants, ô vous les kafirons, je n'adore pas ce que vous adorez. J'adore Allah seul. Et vous, vous adorez d'autres choses en dehors d'Allah, parmi les créatures. Et je n'adore pas ce que. Et vous, vous n'adorez pas ce que j'adore. C'est-à-dire, même si vous adorez parfois, parmi les mouchriquins et les koufas, il y en a qui adorent Allah, mais du fait qu'ils associent avec Allah dans leurs adorations, c'est comme si leur adoration était vaine. C'est comme s'ils n'adoraient pas du tout Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils font du shirk. Et l'adoration, lorsqu'elle est associée avec du shirk, et lorsqu'elle est mélangée avec du shirk, elle devient vaine. Elle devient nulle. Donc, ils n'adorent pas Allah. Et donc tout ce verset-là, toute cette sourate, sourate al-Kafirun, c'est un désaveu des kuffars. c'est un désaveu des kuffars, et à la fin on dit lakum dinukum, c'est-à-dire à vous votre religion qui est fausse, hein, puisque vous adorez des idoles, et vous adorez des êtres humains, et vous adorez des prophètes, et vous adorez des anges, et vous adorez des djinns, ou bien vous adorez des statues, ou des images, ou autres. Hein? Donc tout ça c'est batil, tout ça c'est faux, et à moi ma religion, c'est-à-dire à moi la religion de vérité, puisque moi je n'adore que Allah seul, le créateur de tout ce que vous adorez, hein, et le créateur de toutes choses. Hein? Et donc ça c'est la religion de vérité, et c'est la mienne, c'est ma religion, et vous votre religion elle est batil, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire comme certains qui essaient de déformer la signification du verset parfois, et qui disent, hein, comme s'ils s'imaginent que il y a d'autres religions qui sont valables en dehors de la religion d'Allah qui est l'islam. Hein? Non, il n'y a qu'une seule religion qui est acceptée d'Allah et c'est la religion de l'islam. Ensuite, attends, juste vérifier parce que oui, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour nous ici, bientôt c'est le Maghreb, donc il reste peut-être 4 minutes, donc on va bientôt s'arrêter. Donc, le verset suivant, c'est quoi? C'est « قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ حَقِيقَةً هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ حَيْثُ حَرَمُوهَا الثَّوَابِ وَاسْتَحَقَّتْ بِسَبَبِهِمْ وَخِيمَ الْعِقَابِ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أي فَرَّقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ واشتد عليهم الحزن وعظم الخسران ألا ذلك هو الخسران المبين الذي ليس مثله خسران وهو خسران مستمر لا ربح بعده بل ولا سلامة. Donc le cheikh il mentionne la suite du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: dit ô Muhammad, aux gens, dit les perdants sont ceux qui au jour de la résurrection auront causé la perte de leur propre âme et celle de leur famille. C'est bien là la perte évidente. Donc le cheikh il dit, il explique ce verset là en disant, dit les perdants, qui sont ceux qui sont les vrais perdants, ce sont ceux qui ont perdu ou qui ont causé la perte de leur propre âme, hein? C'est-à-dire qu'ils ont privé leur âme de la récompense et qu'ils ont mérité à cause de cela le châtiment humiliant de l'enfer pour eux-mêmes ainsi que pour leur famille au jour de la résurrection, et ils seront séparés de leur famille, hein? Ils seront séparés entre eux et ils auront à ce moment-là une grande tristesse, et leur perte sera une perte énorme, hein? Et ça c'est certes la perte évidente, cela est bien la perte évidente, hein? Et après cette perte, c'est la plus grande perte, il n'y a pas de perte plus grande que celle-là, et c'est la perte qui est constante et perpétuelle par la suite. Et après cette perte, il ne peut pas y avoir aucun profit et aucune paix par la suite. Et donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis demain, Inch'Allah, on continuera à partir du verset où on s'est arrêté, où Allah subhanahu wa ta'ala commence à décrire les rétributions. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.